Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3. Question 165. De la tentation de nos premiers parents. Il était convenable que l'homme fût tenté, du mode et de l'ordre de cette tentation. 1. Était-il convenable que l'homme fût tenté par le démon? L'homme qui n'a point été tenté, que sait-il? Ecclésiastique 34, 11. La sagesse divine, qui dispose tout avec douceur, loin de détruire la nature des êtres, attribue à chacun de ce qui leur convient, comme il est dans la condition de l'homme de pouvoir être aidé ou entravé par les autres créatures, il fut convenable que Dieu permît aux mauvais anges de tenter nos premiers parents et aux bons anges de les assister. Remarquons que, par un bienfait spécial, aucun être ne pouvant leur nuire contre leur volonté, il était en leur pouvoir de résister aux suggestions du malin esprit. Note. Dieu savait, direz-vous, qu'Adam succomberait à la tentation du démon, devait-il permettre une telle épreuve? Dieu savait qu'Adam succomberait à la tentation, cela est certain, mais il savait aussi qu'il pouvait, par son libre arbitre, résister au tentateur. La constitution même de notre nature demandait que l'homme fût laissé à sa volonté propre, comme le marque cette parole, « Dieu a laissé l'homme dans la main de son conseil », Ecclésiastique 15, 14. Il n'eût pas été glorieux pour Adam de ne se pouvoir bien conduire qu'à la condition de n'être point sollicité au mal. Fin de la note. 2. Le mode et l'ordre de la première tentation furent-ils convenables? Le mode et l'ordre de la première tentation furent très bien appropriés au but que se proposait le démon. L'homme possède une nature à la fois intellectuelle et sensitive. C'est pourquoi le diable, se servant de deux artifices, séduisit l'intelligence de nos premiers parents par la promesse de la ressemblance avec Dieu au moyen de la science qu'ils aimaient naturellement, et il fascina leur sens par les biens extérieurs les plus en rapport avec la sensibilité humaine. Il fit, de plus, tenter l'homme par la femme. Note. Le démon, n'ayant, avant le péché, aucune action intérieure sur l'imagination de l'homme, ne pouvait tenter Adam et Ève que par une suggestion extérieure. Quant au serpent, choisi par lui d'après la permission de Dieu, il ne comprenait pas le sens des mots qu'il adressait à Ève, il n'était pas devenu un être raisonnable.